Isanganiro. Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. La Fédération internationale de football FIFA a récemment certifié juste la pelouse synthétique du stade Inwari. Dans cette édition, on aura plus d'éclaircissements du président de la Fédération burundaise de football FFB. Le Conseil national de la communication CNC dit avoir relevé des manquements liés au déséquilibre et à la diffamation chez certains journalistes lors de la couverture médiatique de la campagne électorale et des élections du 5 juin. La communauté des Batois de la commune Wuhiga, en province Karoussi, réclame des terres cultivables comme promis par le chef de l'État en août 2023. C'était en province Ruyigi, vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akimana. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore une fois. Le Conseil national de la communication apprécie positivement le comportement des médias et des journalistes pendant la période électorale. Et lors d'une conférence de presse lundi sur l'évaluation des irrégularités qui ont marqué le processus électoral, l'ambassadeur Espérance Ndayizeye, présidente du dit conseil, a néanmoins souligné certaines irrégularités enregistrées, notamment le déséquilibre dans le traitement des informations et la diffamation chez certains journalistes et certains organes de presse suivis. Les médias burundais et même internationaux œuvrant au Burundi ont accompagné les grands moments du processus électoral depuis l'enrôlement des électeurs, l'éducation électorale, le retrait des récépissés et cartes d'électeurs, la campagne électorale du 13 mai au 2 juin 2025, le double scrutin du 5 juin depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, le comptage des voix et la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI, puis la validation des résultats par la Cour constitutionnelle. Tout en étant conscient du rôle primordial joué par les médias durant le processus électoral, le Conseil national de la communication a mis en place des dispositifs pouvant lui permettre de bien encadrer la couverture médiatique. C'était dans le but de s'assurer que les médias fournissent une information de qualité, équilibrée et pluraliste, dont la véracité, l'exactitude et l'objectivité sont établies. Le Conseil national de la communication, à travers son service de monitoring, a également relevé d'autres fautes professionnelles sur certains médias. Ce sont surtout des déséquilibres de l'information, des accusations et affirmations gratuites, des exagérations des faits, des traitements tendancieux de l'information et des diffamations, surtout pendant la campagne électorale et après les élections. Enfin, le Conseil national de la communication se réjouit que la sécurité des journalistes a été garantie durant la période électorale, depuis la campagne électorale jusqu'à la publication des résultats, car en effet, aucun cas n'a été porté à sa connaissance. Ambassadeur Espérance Ndayizeye, présidente du CNC. L'éducation au partage des tâches chez les enfants sans distinction de sexe relève du comportement de leurs parents. Une affirmation des enfants issus des familles dont les parents, les couples modèles, ont été formés en matière de partage des tâches dans les ménages de la colline Mushitsi, en commune Mumba de la province Ngozi. L'administration communale trouve que cette éducation facilite les membres de la famille conduit celle-ci au développement. Le point avec Omer Douayo. Certains enfants rencontrés à Mushitsi saluent la volonté de leurs parents visant à les familiariser au partage des tâches. Les garçons de ma génération disaient qu'un garçon ne peut jamais se soucier des travaux domestiques. Mais partant des conseils de ma mère, moi j'ai opté suivre ses pas. Je fais des activités domestiques dans la cuisine, je puisse de l'eau et je nourris le bétail. Les parents nous familiarisent à l'éducation de partage de tâches. Pour leurs parents, la stratégie pour ce faire consiste à leur inculquer cette valeur dès leur bas âge. Les parents Thomas Nyandwi et Nisela Tenibima témoignent. Je n'aidais jamais mon épouse. Je ne pouvais jamais puiser de l'eau l'eau, mais aujourd'hui, je le fais sans souci. J'apprends à mes enfants de tout faire et ils en sont fiers. Je confie les travaux domestiques à mes jeunes garçons. Mais auparavant, pour quelques-uns, en l'occurrence, balayer la cour, je ne me sentais pas à l'aise lorsque je les commandais de les réaliser. Suite aux formations reçues, ils se partagent eux-mêmes les tâches. Cette éducation stimule le voisinage, comme relayé par Chantal Manibogoye, la voisine de Thomas. Comme l'organisation de notre foyer est différente à celle du foyer de chez Thomas, moi je réalise mes tâches et mon époux les siennes. S'il prendrait le balai pour assainir notre environnement, les gens diront qu'il est victime des pratiques obscurantistes. Ce n'est pas facile. La raison d'être de ce projet, exécuté par l'Oraison des confessions religieuses pour la promotion de la santé et le bien-être intégral de la famille, RCBF en sigle, appuyé par l'UNICEF, n'est autre qu'encourager les conjoints à s'entraider et à servir de modèle à leurs enfants. Antoinette Nichiteretse, chargée du projet UNICEF Jar au sein de RCBF, l'explique. Cette éducation provient de la formation reçue de leurs parents. Ils ont reçu la formation de partage des tâches à la maison. Donc, ils regardent ce que font leurs parents et aussi les parents les instruisent à faire le partage des tâches sans voir que ces tâches sont pour les garçons et ces tâches sont pour les filles. Ils s'entraident dans les tâches de la maison. Selon Nazer Nirenganya, conseiller chargé des affaires sociales à Mumba, l'éducation au partage des tâches est d'une importance capitale dans le développement des ménages. La paix règne dans ces familles. Les enfants ne se heurtent pas à la fatigue suite à cette éducation de partage des tâches. Pour les familles à faible revenu, ces enfants contribuent à la survie familiale. Cette autorité appelle la population de Mumba à mettre en pratique le partage des tâches au sein de leur ménage afin d'inspirer leurs enfants à faire de même. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 18h07 dans les studios de la radio Isanganiro. La Fédération internationale de football FIFA a confirmé que la pelouse synthétique du stade d'Inhouari remplit les normes internationales. C'est ce qu'a affirmé et a déclaré le président de la Fédération de football du Burundi dans une conférence de presse animée ce dimanche. Alexandre Mouyenge explique qu'à part ce terrain synthétique, des infrastructures de ce stade ont été évaluées par la Confédération africaine de football CAF et il y a eu certains manquements, notamment le tableau d'affichage des buts électroniques de remplacement. Selon Alexandre Mouyenge, ce matériel sera disponible dans 15 jours à partir de ce dimanche. Suivez-le dans cette traduction française de Jérôme Hakizimana. Le stade a été construit pendant 3 ans et différentes inspections ont été faites. Pour le moment, 2 institutions sont venues, donc celle de la FIFA et celle de la CAF. Celle de la FIFA est venue pour vérifier si la pelouse respecte les normes et celle de la CAF pour vérifier si d'autres infrastructures sont en ordre. La FIFA a donné le certificat qui prouve que la pelouse est en ordre et qu'on peut y jouer, mais que le stade n'est pas homologué. Du côté de la CAF, son inspection a montré que ce qui manque est l'équipement tel que les caméras de surveillance, tableaux électroniques et d'autres infrastructures qu'on peut ajouter comme les vestiaires des formes une fois que le trio arbitraire serait mixte pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans un même vestiaire. À ce propos, on va s'arranger. Le stade n'est pas homologué. Ce qui est homologué, c'est la pelouse seulement. Mais dans 15 jours, tout équipement sera disponible et la CAF va venir pour donner l'accord que le stade est homologué. C'est la CAF qui homologue le stade, pas la FIFA. Je vais l'annoncer en titre. La communauté Batoa de la colline Buhinyuza en commune Buhiga de la province Karusi demande au gouvernement de répondre à la promesse de distribution des terres cultivables datant d'août 2023 en province Ruigi par le chef de l'État. Il trouve que l'agriculture est un métier qui pourrait les aider à subvenir aux besoins de leur famille plutôt que la poterie. Et c'est ce qu'affirme aussi le chef d'antenne de l'organisation Unisono pour la promotion des Batoa Uniproba à Karusi. De son côté, Marie-Gorette Benimana, conseiller juridique du gouvernement de la province de Karoussi, indique que la question est connue de l'administration. Le point avec Lovis Niyonkuru. Ce sont certains habitants de la communauté Ibatwa de la province de Karoussi. Ils indiquent qu'ils peinent à subvenir à leurs besoins et à nourrir leurs familles pour cause de manque de terres cultivables. Ils souhaitent exercer l'agriculture comme métier principal plutôt que la poterie. Ils avaient accès à des propriétés foncières. Ils ajoutent que le gouvernement leur avait promis des terres agricoles, mais qui n'en ont pas encore réussi. Nous n'avons pas de propriété foncière. On nous a convoqués au stade disant qu'on va procéder à la distribution des terres cultivables au Batois, mais jusqu'à maintenant, nous n'en avons pas encore réussi. Même l'argent pour la poterie est rare. Nous ne voyons pas comment la vie va continuer. Oui. Auparavant, dans la période comme celle-ci, nous exerçions de la poterie pour vivre, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas à carité de l'argite. Selon leur témoignage, le métier de poterie ne leur suffit plus pour subvenir aux besoins, pour pouvoir se développer comme les autres. Ils estiment qu'ils devraient pratiquer l'agriculture et l'élevage. Ils demandent des terres à cultiver. Nous demandons au gouvernement de nous attribuer une terre cultivable pour pouvoir nourrir nos enfants. Sinon, nos enfants ne peuvent pas continuer les études lorsqu'ils font face à la famine. Nous demandons au chef de l'État, parce qu'il est le chef suprême, de se pencher ces questions pour que nous aussi ayons des terres cultivables afin d'exercer des activités de développement comme les autres. Babaklo Audace, chef d'antenne de l'association Inisono pour la promotion des Batois Iniproba à Karoussi, confirme également que des terres avaient été promises pour l'agriculture. Le président de la République l'avait prononcé et nous avons vu des gens qui sont venus ici à la recherche des terres publiques, mais cela n'a été encore mis en œuvre. Nous ne savons pas la cause. Même des superficies qu'ils avaient mesurées, le parti au pouvoir a terminé par y cultiver le café. Du côté de l'administration, la question est connue. Marie-Gorette Benimana, conseillère juridique du gouverneur, indique qu'il ne reste que de rappeler cette promesse au ministère qui est en responsable. Nous sommes au courant de la question des Batois qui n'ont pas les terres agricoles. Mais il y a le ministère en charge. Oui, nous représentons le président au sein de la province. C'est ce que le gouverneur doit rapporter au président. Et le président donne l'injonction au ministère en charge pour que cette question trouve solution. Et d'ailleurs, ce qui reste, c'est de rappeler pour que ces peuples autochtones soient attribués en terre agricole. Contactés au ministère de la Solidarité, ils indiquent que les propriétés foncières ne sont pas encore disponibles. Il est défoncé, madame. Ils ajoutent qu'ils sont dans la procédure de l'identification. Le président de la République du Burundi leur avait promis des terres cultivables en 2023. C'était lors des cérémonies marquant la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones qui ont eu lieu en province de Ruyigi. Clovis Niyonkuru sur en page agriculture sur cette tonne de semences de maïs nécessaires pour le semis de cette saison culturelle en commune Muruta de la province de Kayanza. 3,5 tonnes seulement ont été déjà distribuées aux agriculteurs comme l'indique Isidore Niyonzima, agronome communal de Muruta. De son côté, Adeline Niyonsaba, directeur provincial de l'agriculture, élevage et environnement, appelle les agriculteurs à faire recours aux semences de maïs des variétés naturel, nous rapporte Patrick Nsengiyumva. La commune Muruta en province Kayanza a lancé officiellement le mercredi la saison culturelle. À cette occasion, les agriculteurs des collines Mfunda, Karunyinya Muruta Buzira Guhindwa Chamazi Eremera, qui exploitent le marais de Ruvubu, ont bénéficié de semences hybrides de maïs sibifensionnées conformément au prix fixé par l'État, qui est de 4 200 francs le kilo. Toutefois, en raison du stock limité de ces semences, la quantité de semences semences de maïs remises aux agriculteurs était inférieure à la quantité demandée, comme l'indique d'ailleurs Isidore Nyonzima, agronome communal Muruta. En dépit de cette situation, les agriculteurs de la commune Muruta ont tout de même exprimé leur satisfaction, expliquant que le prix de 4200 francs le kilo est largement inférieur à celui du marché où le même produit se vend à 25 000 francs le kilo. Les agriculteurs à Muruta plaident pour un approvisionnement complémentaire afin de semer toutes leurs terres. Isidore Nyonzima, technicien agricole communal à Muruta, estime qu'il faut encore une quantité de 3 ou 4 tonnes pour satisfaire la demande globale des agriculteurs en matière de semences du maïs hybride. De son côté, Adalan Nyonsaba, directeur provincial du bureau en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza, invite les agriculteurs à recourir aussi aux semences du maïs de variété naturelle qui donnent aussi un bon rendement agricole. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Pour clore cette édition, tous les protagonistes de la crise à l'est de la République démocratique du Congo doivent mettre en œuvre l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda voisin le 27 juin à New York aux États-Unis. Une réaction de Deo Hakizimana, président du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue CIRID, qui trouve que cet accord de cessez-le-feu sera bénéfique pour la région et l'Afrique tout entière. Cet expert considère que l'accord devrait également déboucher sur une autre relative à la gestion des ressources de ce pays pour que la paix puisse durer. Suivez. Ce que je retiens en analysant aussi les commentaires, c'est qu'il s'agit d'un accord politique de paix globale. Recommande évidemment la fin des hostilités, le retrait des troupes qui se battent là-bas, y compris des vos armées. Je crois que ça, c'est la première indication. Et à mon avis, si cela pouvait durer, Ça aura été l'un des acquis majeurs de cet accord. Mais si cet accord ne tient pas compte des effets collatéraux qui provoquent chez les partenaires, chez les autoprotagonistes, vous avez même vu que dans la population, les uns sont totalement heureux d'avoir vu cet accord, mais il y en a d'autres, et pas des moindres, qui ont des doutes. Mais pour moi, ce qui compte vraiment, si ça peut permettre à ce que la guerre s'arrête au Congo, ça aura été un accord historique. Peut-on avoir espoir quant à la mise en œuvre de cet accord? L'espoir dépend des partenaires qui ont signé cet accord. Est-ce qu'ils sont capables de joindre la parole à leurs actes? Ça dépend d'eux, mais également ça doit dépendre de moi, je dirais même de toi, de moi, de tout le monde, parce que la crise du Congo intéresse tout le monde. Je vois des analystes géopolitologues comme moi qui disent que le Congo, c'est le pays solution pour l'Afrique. L'issue de la crise congolaise va déterminer les frontières de la vraie nouvelle Afrique. Il y a une nouvelle Afrique qui est en train de se dessiner. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est que l'Afrique veut s'émanciper, l'Afrique veut sa place dans le nouvel ordre mondial qui est en gestation à ce moment. Si vous trouvez la réponse à la question, alors vous allez aussi être capable de savoir ce que l'accord congolais va amener dans la géopolitique actuelle de l'Afrique. Il faut voir qu'est-ce que nous gagnons par cet accord. Le premier gain, c'est que la guerre s'arrête, que les forces qui s'affrontent sur le sol congolais puissent quitter le territoire congolais. Ainsi se referme cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.